Ils dirent : Nous sommes détenteurs d'une force et d'une puissance redoutables, le commandement cependant t'appartient, regarde donc ce que tu veux ordonner.